on va le manger mango. La caille fait du boucher, on va le manger mango. La caille fait du boucher, le mague tourne. Aïe, c'est beauté, mon gars. Aïe, c'est beauté, pitié. Aïe, c'est beauté, Melton. Aïe, c'est beauté, manga. Manga, manga, manga, manga, manga, manga, manga, manga, manga, manga, manga, manga, manga, manga, manga, manga. Manger mango, la caille fait si moucher. On va aller manger mango, la caille fait si moucher. Le mag est tourné. Aïe, c'est beau des mangas. Aïe, c'est beau des pitimi. Aïe, c'est beau des melton. Aïe, c'est beau des mangas. Manga, manga, manga, manga, manga, manga, manga, manga, manga, manga, manga, manga, manga. La caille fait-il bouger.